Chapitre 36e. En arrivant, elle trouva son fils qui finissait de déjeuner. « Où est Juliette ?»« Elle vient de passer dans sa chambre pour s'habiller. Elle va sortir. »« Où va-t-elle ?»« Chez sa mère. » Madame Dalifard descendit au bureau avec son fils. Pour passer le temps, elle se mit furieusement au travail. Les papiers volaient sous sa main tremblante. Lucius, ayant tardé un moment à avancer à l'ordre, fut secoué d'importance et, dans le bureau, les commis qui entendaient l'algarade se mirent à rire. « À qui le tour ?» demanda Maïdas. « Flavien, c'est à vous. » Mais Flavien, sans répondre, monta au second étage. Il avait des livres à ranger dans la bibliothèque, et sous cette raison plus ou moins bonne, il cachait son désir de parler à Juliette et de la voir un moment, la voir une seconde, recevoir l'éclair de ses yeux et frissonner. Il était depuis un quart d'heure dans la bibliothèque lorsqu'il entendit le bruissement d'une robe dans le vestibule. Il ouvrit vivement la porte. C'était Juliette. Il la salua et s'avançant de quelques pas. « Je vous prie de me pardonner si je vous arrête, » dit-il, « mais j'ai un mot à vous dire que je vous serais reconnaissant d'entendre. » Juliette hésita un moment. « Parlez, » dit-elle enfin. « J'ai porté contre Lucius une accusation fausse. Je l'ai observé. Il est innocent de ce dont je le soupçonnais. Mais veillez sur vous, madame. Vous êtes entourée de gens de mauvaise mine. » « Quels gens ? » ?»« C'est ce que je ne saurais dire. Mais j'en suis certain, un danger vous menace. » « Je vous remercie. » Puis, lui ayant fait de la main un signe amical, elle continua son chemin et descendit l'escalier. Flavien voulut courir après elle et insister sur son avertissement, mais il ne savait rien de précis. Il avait été inquiété seulement par un homme à mauvaise figure et aux allures louches qu'il avait vu rôder dans la rue des Vieilles Audriettes. Dans ces conditions, que dire de plus que ce qu'il avait déjà dit? Ne croirait-elle pas qu'il voulait se faire valoir? Il ne lui convenait pas de se mettre ainsi en avant ni de s'imposer. Quand Juliette arriva dans le bureau, elle trouva son mari et sa belle-mère qui, assis en face l'un de l'autre, travaillaient. « Vous sortez ?» demanda Madame Dalifard en posant sa plume. Adolphe fut frappé de l'émotion qui faisait trembler la voix de sa mère et il releva la tête. « Il y a bien longtemps que je n'ai vu Madame Nélis. J'ai presque envie d'aller avec vous. » Juliette ne répliqua pas, mais elle laissa échapper un mouvement que Madame Dalifard saisit. « J'ai encore 3/4 d'heure de travail. Voulez-vous m'attendre ?»« Sans doute. Cependant, cela me mettra bien en retard. »« Ah, pas de retard, » dit Adolphe. « Nous allons ce soir aux Italiens. » »« N'avez-vous pas été hier à la première du Châtelet ?»« Oui, ça a fini à 1h30 du matin. Pas de voiture, nous sommes revenus à pied. Heureusement, j'avais mon revolver dans mon pardessus, car j'avais prévu ces retards. Ils n'en font jamais d'autres avec leur ferrie. » Au revoir, » dit Juliette. « Expliquez à Madame Nélis que je voulais la voir, » dit Madame Dalifard, « et que ce n'est pas ma faute si je n'y vais pas aujourd'hui. » Juliette sortit, et Madame Dalifard resta la tête penchée sur son pupitre, mais elle ne travaillait pas, ses mains tremblaient. Pendant 1 heure au moins, elle resta ainsi, sans prononcer une parole, ne relevant la tête que pour regarder la pendule qui était devant elle. Tout à coup, elle quitta sa place, et passant à la caisse, elle prévint Lucius de ne laisser personne frapper à la porte du bureau de son fils. Puis, cet ordre donné, elle rentra après avoir fermé au verrou les doubles portes. « Qu'as-tu donc, maman ?» demanda Adolphe. Sans répondre immédiatement, elle vint jusqu'à lui. « Mon pauvre fils, » dit-elle, « il faut être fort, car je vais te porter un coup terrible et te causer la plus grande douleur que tu puisses ressentir. Mon Dieu, es-tu malade ?»« Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de Juliette. »« Ma femme ? Où crois-tu qu'elle est en ce moment ?»« Mais chez sa mère. »« Ce n'est pas vrai. »« Oh, maman, je t'en prie, n'accuse pas Juliette. »« Vous avez eu en ces derniers temps des difficultés qui m'ont rendu cruellement malheureux. » Je vous croyais revenus l'une à l'autre à de meilleurs sentiments. Laisse-moi cette croyance. » Elle le prit dans ses bras et le serra fortement. Il fut profondément ému par cette étreinte, car bien qu'il connût tout l'amour que sa mère lui portait, il n'était point habitué à cette tendresse expansive. « Tu me fais peur. » « Je ne veux pas te rassurer, et ce que j'ai à te dire dépassera tout ce que tu peux redouter. Ta femme n'est pas chez sa mère. » Il recula de quelques pas et, détournant la tête, « Pas un mot sur Juliette, » dit-il avec fermeté. « Je ne veux rien entendre sur elle. Tu entends ? Je ne veux pas. Restons-en là. » « Mais, malheureux enfant, tout ce que tu pourrais dire, je ne le croirais pas. Je connais ma femme et suis seul ici à la connaître. D'ailleurs, je te le répète, je ne veux rien entendre. » Et il se dirigea vers la porte pour la rouvrir. Mais Madame Taillefer se plaça devant lui. « Ce que tu dis là, je l'avais prévu. Aussi, je n'ai pas voulu parler sans t'apporter la preuve de ce que j'avance. Ta femme n'est pas chez sa mère. » Il secoua la tête et fit un pas de plus du côté de la porte. « Je te répète qu'elle n'est pas chez sa mère. » À ce moment même, elle regarda la pendule. Elle quitte le boulevard Malesherbes pour aller à Passy, avenue Raphaël, dans l'atelier du sculpteur Rolls, rejoindre son amant. Il resta un moment chancelant, comme s'il avait été frappé par la foudre. Puis tout à coup, levant les deux bras, il s'avança sur sa mère. Elle ne bougea pas, et elle resta les yeux fixés sur lui. « Ma mère » s'écria-t-il, « tu es ma mère !» Et reculant, il alla tomber sur un fauteuil au bout du bureau. Elle vint le rejoindre et se pencha sur lui, mais se cachant les yeux d'une main, de l'autre, il la repoussa. « Pas un mot de plus !» s'écria-t-il. « Je n'entendrai rien, rien, rien !» Et il se boucha les oreilles, puis bientôt, relevant la tête et regardant sa mère, « Ne sens-tu pas, s'écria-t-il, que tu étais la dernière personne qui devait parler comme tu l'as fait ? Tu hais Juliette, et ta haine a cru les propos infâmes que la calomnie t'apportait. Et sans pitié pour la terrible douleur que tu devais me causer, tu es venu me redire ces infamies, toi, toi, ma mère. Es-tu satisfaite ? » Il lui montra son visage baigné de larmes et convulsé par la douleur. Elle fut émue et attendrie. Dans tout ce qu'elle avait prévu et arrangé, elle avait oublié ce désespoir de son fils. Mais il était trop tard pour revenir en arrière maintenant et même pour se taire. Elle devait parler et tout dire. Car si Adolphe voulait en ce moment fermer les oreilles à la vérité, il en savait trop pour ne pas vouloir bientôt l'apprendre tout entière. Elle parla donc, et avec tous les détails qui donnaient la précision à son récit. Elle raconta comment, le mardi et le vendredi, Juliette, en sortant de chez sa mère, allait à Passy rejoindre celui qui l'attendait dans l'atelier du sculpteur. « Mais qui ?» s'écria Adolphe en ouvrant enfin l'esprit à ses paroles. « Errol. Oh non, non, c'est impossible. Moi aussi, j'ai dit comme toi. C'est impossible. Mais il a bien fallu me rendre à l'évidence. Samedi, j'ai pénétré dans cet atelier et partout, j'y ai trouvé les traces du passage de ta femme. Aujourd'hui, en ce moment, ils sont réunis de nouveau et ils vont rester ensemble jusqu'à 5 heures. Voilà donc pourquoi elle n'a pas voulu que tu l'accompagnes. Et c'était pour être bien certaine qu'elle allait à Passy que j'ai demandé à l'accompagner. Oui, elle a refusé. C'est donc vrai ? Juliette, ma femme, ah mon Dieu !» Mais il ne s'abandonna pas à cette faiblesse, et se levant brusquement, « À Passy, dis-tu, avenue Raphaël ? Mais c'est l'atelier où je suis déjà allé pour voir le tableau. Et c'est là ? C'est bien. Où vas-tu ? » s'écria Madame Taillefer, se plaçant devant lui. « Ce n'est pas de la fureur qu'il faut, c'est du calme. Ce n'est pas agir en enfant, mais en homme. » Si je me suis décidé à cette horrible révélation, c'est parce que j'ai pensé que tu devais voir de tes propres yeux ce que ton esprit et ton cœur n'admettraient jamais. Mais il faut que tu vois en sachant ce que tu fais, maître de ta volonté et de ton honneur. Ta seule vengeance doit être de te placer entre eux. La loi fera justice du reste. Pense à ton enfant. Laisse-moi partir, dit-il en voulant l'écarter, mais elle recula sans lui livrer passage. Et où veux-tu aller ? « Enfonceras-tu la porte de cet atelier ?» Elle lui tendit un billet de 1000 francs plié en 4. « Prends ce billet. Tu le donneras au gardien que tu trouveras dans le pavillon d'entrée, et il t'ouvrira une porte qui te permettra d'arriver près d'eux. Tu n'auras pas un mot à dire, on t'obéira. » Il prit le billet. Mais au moment de sortir, il s'arrêta et regardant sa mère. « Ah, qu'as-tu fait ? » dit-il, sans se laisser troubler par l'accent déchirant de ce cri. Madame Taillefer le retint encore un moment, puis, ayant ouvert les portes, elle demanda la voiture. « Il pleut, » dit-elle. Un fiacre irait trop lentement. Et pendant qu'on attelait, elle s'efforça de le calmer, mais il n'entendait rien, ou tout au moins, il ne répondait rien. Au bout de quelques minutes, on vint dire que la voiture était prête. Elle descendit avec lui, portant elle-même sur son bras le pardessus de son fils. Elle le mit dans la voiture, et après avoir fermé la portière, elle dit au cocher d'aller grand train à Passy, au coin de l'avenue Raphaël et de l'avenue Ingres. Le cocher allait toucher son cheval, elle l'arrêta d'un signe, et se penchant une dernière fois dans la voiture, « Pense à Félix, » dit-elle.